your business. Oui, on peut changer le monde, Gaétan. On peut changer le monde. Ouais, mais oh, ça changera pas qu'actuellement, là, on entend juste d'une seule oreille. Ah! Ah, ah, ah, ah, ah! Ne dis pas ça! C'est pas parce que toi, la belle Rita, toi, t'entends d'une seule oreille que tout le monde est comme ça. Ah, oh, ouais. J'avais pas pensé à ça. Non, ça, on le sait que c'est pas ton fort. Non, moi, c'est, le fort, c'est pas mon fort. Non. Qu'est-ce qui est ton fort? Ah, mon Dieu. C'est le réconfort. Oh! Auprès de mon mari, Régent. Oh, Régent Dufault. Régent Dufault. Hey, je suis marié avec cette créature de rêve depuis 23 ans. Lorsque je l'ai rencontré, c'est à la plage municipale. Municipale? Municipale. Hey, ça, c'était principal. Comment ça, on peut pas? S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, ça concute. Problème technique, ça c'est bien en début d'émission. Là. On entend Iggy Pop. Et là, dans les écouteurs, ça fait quoi? Ça fait get up. Non, ça fait pull up. Oh. OK. Là, qu'est-ce que tu as pendant ce temps-là? Là, j'essaye d'étirer le fil. Oh, on l'a. Nous l'avons. Ah non, encore une oreille. La seule oreille qui m'arrive au tympan. Ouais. Ouais, ça, c'est le machiniste là, qui dit coupe le fil. Ben, si je coupe le fil, c'est pas un sans fil, ça, mon imbécile. C'est avec. Oh, comme ça. OK. On... Le problème vient de. Oui, monsieur, c'est la prise. Monsieur, la prise? Oui. Ça vient de la prise? Oui. Je viens de la prise. Oui, oh, oui, vous êtes. Moi, je suis enraciné dans la prise. J'ai trois cordons. Le cordon ombilical? Oh, ben, non, pas lui. C'est pas technique, ça, là. Ben, c'est très technique, monsieur. Ah, ben, voyons, d'autres, oui. Oui, j'ai le cordon infrarouge. Oh, mais attention, là. L'infrarouge, on n'a pas besoin de cordon. Ben là, c'est parce que c'était les nouveaux, la nouvelle génération. Là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est version 8? Non, version 17. Version 17. Mais dans mon temps, là, c'est autrement. Ça se produisait autrement. Avant que ça soit sans fil, mon petit innocent, c'était avec... avec un cocumitance, avec un cocu, oui. C'est très, très cocu. Ah, mon Dieu, c'était comme ma belle-sœur, ça. Ah! Elle s'est mariée pour mieux cocufier son mari. Elle aimait ça. Ah! Elle travaillait, là. Puis elle prenait même pas son temps pour prendre une tisane hein, pendant son 15-20 minutes. Non, elle cocufiait son mari. Elle cocu, de coco, elle était avec Gaétan, avec Rita. Oui, c'est ça. Elle, c'était n'importe quoi. Ça bougeait, on y va. À un moment donné, on avait acheté une mop en 1973. Oui, elle avait tombé par terre. Qui ça? Cette dame? Non, pas cette dame, cette mop. Ah! Et puis elle a commencé à courtiser la mop. Et puis... Je ne vais pas te le dire, ce qui va en suivre là, risque de te rendre totalement ridicule. C'est le but de l'émission? Oui, mais pas les individus, c'est la conception! Il s'appelle Conception. Il a presque de l'émotion. Non. Non, là, t'étais bien parti, tu racontais qu'on peut changer le monde. Puis ça, comment on y arrive? Est-ce que c'est par des stratagèmes psychologiques? Est-ce que c'est par des chiffres numérisant la société dans laquelle on vit? Et attention. Professeur d'anglais, troisième Dan, oui. Troisième Dan, ça veut dire des Dan universels, OK, à l'intérieur même du chiffre. OK. La racine carrée, ça n'existe plus, ça. Là. Ça, c'est pour les enfants d'école. En deuxième année, on apprenait ça, nous, là. Les calés du galon. OK, du galon. Du galon numérique. Du galon chimérique. Il me semble que le chimère et la calculette, ça va pas très bien ensemble. Oui! Je vais vous faire un poème. Avec des chiffres. Ah, mon Dieu! Et ça se chiffre? Ça se chiffre à 3,28$. Si vous voulez payer avant, on va la réciter après. Ben là, on n'a pas passé le chapeau. Si le chapeau te fait, mets-le. Ben ça, non, ça fait pas. Ça fait mal. Quand on vous repousse, c'est qu'on se sent comme... Sérénal. Les hauts dehors et seul en dedans. Mais la vie est faite de justice. Elle avait vieilli. Parce que là, l'histoire, grosso modo, c'est un homme qui est amoureux, un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille. La jeune fille ne le regarde pas. Elle fait semblant. Elle lit ses petits livres d'Arlequin. Ah, oh, mais ils vivent heureux et oh, moi jusqu'à la fin des temps. Oh, que c'est beau. Oh, c'est la réalité, ça. Moi, quand je vais me marier, je serai une princesse. Une princesse, regarde-moi ça. 2013, princesse. Ah ouais, Bambi, continue à patiner sa patinoire. Mais moi, je patine en dehors de la patinoire, c'est vrai. T'es comme les joueurs de hockey. Dans les bars, tu patines. Mais sur la glace, tu patines plus. Ben, j'ai été sur le banc, là, lorsque j'ai compté mon premier but. Oh! Ouais, ben, en fait, c'est parce que je me rappelais lorsque j'étais enfant. Très petit enfant. Très, très, très, très petit. Mon père était assez protecteur, oui. Alors, il me plaçait dans sa poche, puis il me disait, joue au hockey! Fait que moi, je m'amusais avec des petites, comment ça s'appelle ça? Des petits grains de tabac. Ouais, j'étais petit, là. Ben, imaginez-vous les grains de tabac. Hey, c'est immense quand t'es petit. Ah oui, c'est gigantesque. Ça me faisait penser à une peinture de Rembrandt. Rembrandt, celui-là, là. Non, pas lui, celui à côté, ouais. Ouais. Non, mais revenez ici, revenez. Non, j'ai... Oui, voilà, c'est ça, c'est Rembrandt. Oui, ben, voilà. Quel beau personnage. Ah, il est pas, non, il est plus vivant, là. Hey, en parlant de vivant, je vous reviens après un chemin assez difficile à parcourir. Imaginez-vous que cette semaine, je parlais avec une citoyenne de René Lévesque, notre feu premier ministre du Québec. Cette dame ne savait pas qu'il était mort. Assez sérieux, là. Cette femme-là a droit de voter. Elle travaille au poste. On va la franchir, là. Hein? On va la... Non, pas de violence. Non, on va la franchir de connaissance. Oh! Moi, je lui conseille Umberto Eco. Eco! Ah oui, Umberto Eco. Ah oui, c'est lui. Mais voyons, hey, c'est extraordinaire. Moi, j'ai lu Le nom de la dose. Non, c'est Au nom de la dose. C'est un livre de junkie, là. Ça explique comment fonctionne la seringue, comment fonctionne le bras, les systèmes plus fort que ça, vos patates, madame. Pilez-moi ça, parce que moi, là, je fonctionne en purée depuis 3 semaines, là. Ouais, c'est ça, ma femme m'en a vu à une seule... Hey, ben, voyons, je suis arrivé à 2h15 au lieu de 2h. Hey, elle avait le... Oui, c'est comment t'appelles ça? Toi, un rouleau à pâte, là. Elle me l'a enfoncé dans le zirgoutin. Ah, oh, ça a brisé toute ma palette de chocolat. Puis ma palette inférieure aussi. Ah, depuis ce temps-là, je mange de la purée. Ah! Elle m'a dit, ça fait 20 ans que tu m'en fais manger de la purée. Tu vas m'en... Eh, monsieur, là-bas, pas la même purée. Voilà la purée. Voilà. Navet, patate, carotte. Ah, c'est... Ouais, j'ai mangé un roast beef en purée. Et Et puis là, on nous dit faut qu'on regarde, le mets semble appétissant. Ouais, appétissant, s'en va mangeant. Ah ouais, mais c'était pas très très. Même la senteur, là. Oh! Êtes-vous certain que c'est pour manger ou c'est déjà sorti, ça? OK! Oh, monsieur! Alors, on peut pas changer le monde. On peut changer le monde, oui. La semaine dernière, c'est, on ne pouvait pas, mais là, on y va. On y va, on est des parlins-pimpins. Hein? On a le comment t'appelles ça, la baguette magique. On n'a pas besoin de la baguette. Hey, c'est vrai, tout est magique. Hein? Hey, on veut la pensée magique. On aimerait ça. On voudrait régler nos problèmes par magie. On voudrait s'endormir et se réveiller avant notre sommeil à l'endroit où on voulait être. Qu'est-ce que tu veux dire? Example. Qui? Example. Pauline va te réprimander, elle va te dire par exemple. OK, par exemple. Avant de me coucher, parce que moi je dors 15 minutes par jour, je suis comme un bambin, mais à l'envers. Ça, tu as vu le résultat, hein? Ouais, on n'a rien compris de l'émission, hein? Ah, oh, OK. Mais si tout le monde à l'intérieur de ma tête pourrait arrêter pendant que je vous parle, ça irait bien. Très bien. Mais là, il y a de l'écho, puis là, j'ai des protagonistes qui veulent pénétrer dans cette bouche. Non, sortir, c'est pas pénétrer. Tout le monde pénètre et très peu sortent. C'est vrai, ça. Ça, c'est comme les artistes. Beaucoup aimeraient en être, mais très peu en sont. Oh! C'est comme Samson, Samson. Samson, gars, là, elle n'est plus rien. Ah, mon Dieu! Elle est le relief de sa pauvre plaisanterie. C'est-à-dire une connerie burlesque, un château pas si brillant, un résultat devant autant de trépassés. Trépassés, elle en a trépassé du temps. Elle, ah, elle disait, c'est à l'endroit, c'est à l'envers. Oh non, ma maison était à l'endroit, était à l'envers. Puis là, elle a demandé à l'envers. Ça a coûté très cher pour placer le toit à terre puis monter le truc vers le haut. Le truc, ben oui, la porte. Moi lorsque j'entrais chez ma tante malade, ben, ma tante qui, ma tante malade? Moi, c'est une Malaisienne, ma tante malade. Elle me disait, oui, ouvrez la porte vers le haut. Il fallait déjà grimper. Ah, oh, encore aujourd'hui, je suis pas très bon grimpeur. Oh. Sauf pour aller chercher ma pomme. Ma pomme d'Adam? Oui, ben non, avec Ève. Moi, Adam, je laisse ça à Gaétan, elle aime bien Adam. Puis elle m'a dit hier, s'il n'arrive pas à l'heure, Adam, il l'aura dans les dents. Là, il est rentré dans... Oui, Adam est entré dans les dents, donc il ne l'a pas eu dans les dents, mais il a passé à un cheveu de se faire arracher tout... Tout quoi? Toute sa dentition. En fait, il lui restait juste une grosse dent. Là. Elle est où? Elle est où? Et puis elle a fait un soir, pensait pas que c'était ça. Et elle voyait le bel homme, là, Adam, homme avec la feuille. Et c'est lui, il n'y avait pas la feuille, il y avait la dent. Adam, c'est moi, Adam, j'ai la dent, oui. Adam qui a la dent. Il puait, là, il dégoulinait. Là. Hey, on était juste là, à toute fin du mois de mai, là. Deux jours avant la fête de Rénal. Bonne fête, Rénal! Non, non, non, c'est le 2 juin. Bonne fête, Rénal! Non, c'est le 2 juin. Bonne fête! Hey, bonne fête, OK, merci. Tu pourrais me dire, je te souhaite un non-anniversaire. Ben, non-anniversaire, merci. Vous êtes très gentil. Non, gentil. Gentil, gentil, pentil, mentil, ventil, plantil, plantil, ment. Alors, on peut changer le monde, madame, mademoiselle? Si on le veut, tout dépend de nous. Nous sommes le Dieu de notre univers. Nous sommes le Dieu de notre monde. Ah, oh, c'est vrai, hein? Louange au Rénal gagné, louange le. On peut pas quoi? On peut pas. Si tu peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Si tu veux, tu peux. Peux-tu répéter? Ouais, ben moi, c'était une seule fois. Le ruban s'est engommé, enrubanné. Il s'est collé. À l'espoir d'un jour meilleur. Et quand le ruban se colle à l'espoir, là, et désespoir, si ça se déroule, c'est comme la vie, là, quelques secondes avant la fin. Là. Et ça se déroule. Et attendez, j'ai manqué ce boulot, moi, pendant ma vie, là. Comment ça, je m'en souviens, si dans ma vraie vie, je m'en souviens plus? Comment ça, elle m'aimait, elle me l'a jamais dit? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le monde est sans amour? C'est pas vrai. Pourquoi le monde est sans amour? C'est vrai. C'est vrai. Toi, tu peux pas. Mais nous, nous pouvons. Fait que là, on t'exclut. Placez-le dans cette grande cage, là. La cage des imbéciles, puis il y en a du monde là-dedans. Ah, oh, c'est... avoir su, on l'aurait agrandi, hein? Oh! Autant de drétitus. Non, c'est de brépitus. De résidus. Olympitus. Saouaminus. C'est terminus. C'est terminus, tout le monde descend. Tout le monde descend, Madame Thibodeau. Et Madame! On va demander aux chaises déroulantes avant, aux bécoquiquilles, aux batatanales, oui, au petit... voilà, c'est le petit fanfaron du coin, là. Passe avant, toi, là. Mon petit rigolo. Personne ne rit de toi, là. Ça s'en vient. OK, descend. Ah, oh, descend. Ah, voilà. Oh, la belle Suzanne avec sa robe de nuit. Ça tombe bien, c'est la nuit. Reste de même. OK. Fais des pauses, là. Ah, fais des pauses. Après la pause, tu fais des pauses. OK, mais là, reste là. C'est pas ton tour de te laisser parler. Là. Oui. Charles? Toujours avec son chapeau, Charles, hein? Il y a de la joie, allô, allô, les hirondelles, il y a de la joie, dans oui, tu, il y a de la joie, dans tous les étoiles de temps, il y a de la joie, tout autour, il y a de la joie, pom, pom, pom, ta, la, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, vas-y, mon Charles, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, reste là, là, juste là, là, bon, en arrière, derrière. Charles aime bien ça être en arrière. Comme ça, il peut s'avancer en avant. Avance en avant. Dis-moi. Pardon? Ouais, c'est ça. Là, il y a les chanteurs du monde des royales. Bon, le cœur, Charles en arrière. OK? Il sourit. Ah, oh, il aime ça. Hein? Il a de la joie. La police. Oh, non, non, il est quelle heure? On peut-tu l'appeler, là? On va appeler le... C'est quoi, là, la section 17? La section 17. Allô? Oh, mais êtes-vous le... C'est quoi? C'est la police, mais c'est le directeur, je viens de... Mais non. Le supervisor. Vous êtes le supervisor? On vous a pas dérangé? Hein? Ah oui? Vous étiez en réunion? À minuit 26. Non, mais il n'y a pas d'heure pour les réunions, hein? Oui ou non? Oui! OK, il y a une heure. Pouvez-vous venir avec votre... la GRC, les chevaux montés, là? Montez-moi ça, ces chevaux-là. Oui, c'est ça. Il y a les servants de... En avant de... C'est celui qui sourit, là. Avec le chapeau. Ouais. OK. Mais il y a ma... Okay. On fait comme si... Non, les gens n'ont rien remarqué. Je pense, croyez-vous. Non, on n'a pas encore fait jouer de... On devrait, hein? Pendant que vous allez intervenir... L'équipe souhaite. Non. Ben, il n'y a absolument aucun problème. Un malaise! On n'a même pas senti le malaise. Rita, as-tu un malaise? Ouais, ben, elle est toujours blême de même, elle. Elle est née, sa mère a dit, c'est un malaise générationnel. Sa grand-mère est un malaise. Son grand-père est un malaise. Son voisin est un malaise. Son voisin est un malaise. Le baiser est un malaise. Le baiser est un malaise. Le baiser est un malaise. Bon, c'est fatigant, tout ça, hein? Non, on est très, très heureux d'être avec vous, madame, mademoiselle. Est-ce que l'animateur est arrivé? Il est présentement en cardiologie. Oui. On y vérifie s'il y a déjà un cœur. Il y en a-t-il un? Monsieur le Président! C'est l'imitateur de Rénal. Ah, oh, c'est comme le vrai, hein? Il est tous imbécile. Hein? Il n'y a pas de vocabulaire. C'est un vrai, là. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme rénal de le néant gagné. Ça fait peur. Ça fait très peur. Avez-vous peur, madame? Oui. Oh, elle a peur. Avez-vous peur? Oh, mon Dieu. C'est le loup. Le loup. À quoi bon? On dirait un clavier. Êtes-vous clavier, madame? Quoi, les ondes rentrent mal, là? C'est quoi? Là, c'est votre radio. C'est 89.1. Ah, capable, pas capable de s'étonner. Pas capable, pas capable. Êtes-vous, madame... 8, 9. C'est pas mon numéro de téléphone, ça, là. C'est la station de CKRL. 8, 9, point, point. Comment faire le point à la radio, non? Oubliez le point. 8, 9, 1. 8, 9. Non, c'est dans le... C'est trois chiffres, là, parce que vous comprenez pas, madame... ouais. Non, c'est... c'est des baleines. Oh! C'est la haute mer. Nous sommes devant des muses médusées, devant trois hippopotames vernis, sur une pièce montée. Arrête de le monter, il va descendre. Ben oui, ben arrêtez-moi ça. Est-ce que c'est le... Ben oui, c'est pas le chaos actuellement, là. C'est qui ça? À quoi bon faire cette émission si on ne sera pas ridicule, c'est déjà pas... Il est vraiment inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Hé! Malade! Fais-moi ça! L'absurde aventure de l'errant s'ouvre à nous, car aujourd'hui, le vendredi 31 mai 2013, 31 mai 2013. Deux jours avant la prochaine ride. Deux jours avant le prochain bide. C'est actuellement. Ouais, vous l'avez senti, le bide? C'est un vrai rythme, madame. C'est une intro, elle.

c'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. C'est la crise Tu as eu des projets, quelques projets. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, en tournée aussi. Oui, j'ai participé à son dernier disque en date qui s'appelait Divine Idylle. C'est Mathieu Chédid qui nous avait présenté. J'étais pianiste. J'ai fait tous les claviers de l'album. Et puis après, Mathieu a monté une équipe pour faire une tournée. On a fait une très grosse tournée ici. C'est de tête à tête ou tête à tête, hein? La tournée avec Mathieu Chédid, c'est tête à tête? Non, ça c'est... Il n'y avait pas de nom comme ça. En tête à tête, c'est une tournée de Mathieu Chédid. Oui. Mais non, mais Vanessa Paradis a fait Divine Idylle Tour, qui était où Mathieu était à la guitare, okay. Chef d'orchestre. Okay. Et donc, il avait amené ses copains, et c'était moi et d'autres musiciens. Et puis, à partir de là, on a bien sympathisé. Et puis, elle est venue chanter un duo sur mon disque avec moi, Adrienne. Okay, oui, c'est un ça. Clip. Et puis, ça, c'est ton... Dernier album en date, mais qui date d'il y a 5 ans, maintenant 4 ans. Et là, tu travailles sur le nouveau qui sera sans doute... En février, c'est tôt ou tard. Et que je suis en train de finir de mixer. Oui, ok. Ouais, après, je te quitte pour faire les dernières retouches. Ok, alors là, la voix est déjà préparée, tout est en boîte. On est en mixage, là, en fin de mixage. Ok, tu travailles juste sur le petit peaufin. Petit détail qui ferait que ça pourrait être mieux encore. Ok. Es-tu un maniaque? Oui. À un moment donné, tu dois dire, là, il faut arrêter parce que... Oui, parce qu'il sort en février, sinon je vais devenir fou. Oui. Non, mais là je sais qu'on atteint la fin. Ben, l'écriture a commencé il y a deux ans, peut-être. Mais j'ai ramé, j'ai galéré. Parce que je voulais... chaque disque, c'est quand même une remise en question. Et là, il y a un virage que je voulais faire et que j'ai eu du mal à faire. Quel virage? Le virage de... J'ai 41 ans, j'en ai pas 20. Quoi. Ok. Donc, un peu comme Yosek avait fait. Je sais pas. Oui, 1964. Je veux que ce soit un disque... Qui soit un disque d'homme de 41 ans. Ok, mature, assez mature. Ouais, je veux pas faire danser les gens, je veux raconter des choses. J'ai vécu des choses tellement fortes en concert aussi, en étant seul, en étant dans des formules très spéciales, même pour en revenir à Vanessa, avec Vanessa Paradis. Vanessa, après, m'a confié de revisiter son répertoire. Depuis l'origine? Ouais. Show, les taxis, voilà. Elle m'a demandé d'arranger, de monter un orchestre, de monter un concert pour elle en réarrangeant toutes les chansons comme j'aimerais les entendre. Parce qu'évidemment, le style a changé. Il faut vraiment qu'il y ait eu quelque chose entre vous pour qu'elle... Ah, on sait bien. Oui, artistiquement, on s'est bien compris. Et ça a commencé petit. On a fait 2 chansons, puis 10, puis tout un show. Et ça, tu peux le trouver à Paris. Je te conseille un DVD qui s'appelle « Une nuit à Versailles ». Okay. De Vanessa Paradis. Okay. Et que tu aimes ou pas, non, c'est bien. Vraiment une version hein? Très particulière. Ouais. On a joué à Wilfrid Pelletier. La grande salle, une salle symphonique. Oui, tu sais. Et on a joué ça il y a un an, enfin en février, à Montréal en Lumière. En 2011, ouais. Et j'ai fait la première partie aussi. Et le lendemain. Tu ouvrais le spectacle de Vanessa Paradis voilà. Et tu te retrouvais après. Et après j'étais chef d'orchestre et au clavier avec elle. Et j'ai vécu un truc tellement bouleversant, notamment à Wilfrid Pelletier, qui était la plus incroyable première partie que j'ai faite de ma vie. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens se sont levés. Et c'est une grande salle, hein, il y a 3000 personnes. Ouais. J'étais tout seul avec un Wurlitzer, tout seul à Wilfrid Pelletier. Et je me suis rendu compte à quel point... L'attention du public. Hein. Le fait d'être seul et de mettre l'accent sur les paroles... Pas forcément de vouloir faire de la pop musique, de vouloir, et c'est ce que j'ai fait avec Vanessa aussi, c'est de dégager tout pour qu'on entende les chansons. C'est ce que j'avais fait avec Souchon aussi il y a 10 ans, ce que tu as entendu. De faire la version soft. Mais c'est la toi version... qui as choisi avec Souchon de dépouiller l'œuvre. Non, mais par contre, j'avais été appelé dans ce contexte-là. Okay. C'était un producteur qui voulait dépouiller et qui, du coup, m'a contacté et les autres musiciens pour ça. Alors que là, Vanessa m'a confié ce rôle-là, de dépouiller. C'est pas pareil, mais... Non. Mais avec Vanessa, j'ai mis un quatuor à cordes, donc j'ai fait des arrangements de cordes. Le batteur joue, il y n'y avait pas de batterie. Ils jouaient des allumettes parce qu'on voulait que s'il y a une coupure de courant, ça marche quand même. Okay. Tu vois. Donc tout est. On a répété sans sono, par exemple. Tout est équilibré. Comme au théâtre. Ouais. Et comme mes concerts maintenant, je fais des concerts solo et quand je peux, je mets pas de sono. Et alors donc le batteur avec Vanessa, il jouait d'une boîte d'allumettes avec trois allumettes parce que quatre c'est trop fort, tu vois. C'était vraiment un truc. Il faut que l'acoustique soit impeccable. Ouais, mais alors on sonorisait quand même, hein, avec Vanessa, ouais. Parce que 3000 personnes. Ouais, ouais. Mais on sonorisait tel quel. Il n'y avait pas de mix à faire. C'était, on mettait des beaux micros qui reprenaient le son tel quel et qui faisaient qu'on avait un son magnifique. Alors regarde ce DVD, oh, franchement, oui, c'est joli à voir. Je vais aller voir à la FNAC. C'est Une nuit à Versailles, c'est okay. Le dernier qui est sorti. Oh, oui, oui, c'est un DVD. Ouais. Okay, ok. Ou au pire, tu peux le trouver en CD aussi. Ou... Sur Internet. Ou sur Internet. Internet aujourd'hui, en, 2000, ouais. En 2012, c'est très facile de tout avoir. Ouais, mais qu'est-ce que... Donc c'est ça qui a orienté mon disque aussi. Okay. C'est de me rendre compte que, en fait, je ne suis pas un homme à faire de la pop musique. Mm. En fait, si j'ai une force, elle est dans les paroles, les mélodies... Et l'harmonie qui peut se dégager de tout ça. Et ma voix marche bien quand il n'y a pas de la guitare électrique avec. Quoi. Okay. Ma voix fonctionne quand on y va cool. Et donc, il fallait trouver un virage pour rendre ça crédible aussi en disque. Okay. Parce qu'en disque, je ne vais pas faire juste Wurlitzer voix. Ce serait chiant. Ouais. Donc, il faut trouver l'équilibre musical et l'harmonie musicale. Et ça, j'ai galéré pour trouver ce nouveau son. Et j'espère que... Et sur l'album, on retrouve ce son-là On retrouve un truc assez doux. Okay. Assez doux, assez mature et assez peu... c'est pas de l'indie pop, quoi. Voilà, non, c'est non, pas... non, non. Et pourtant, non. Je fais pas de la chanson traditionnelle. Donc comment trouver... J'ai pas envie non plus de me retrouver à faire de la musique de Gilles Vigneault, tu vois. C'est pas mon style non plus. Mais faut que je reconnaisse que c'est pas la pop anglaise non plus. Donc faut que j'arrive à trouver mon langage. Trouver ton créneau. Ouais. Trouver ton sillon. Ça a pris du temps pour trouver ce son. Mais ton premier album, c'est un peu ça aussi. Ouais. C'est un peu un retour à une liberté qu'il y avait dans mon premier disque. Ouais. Ouais. Il pleut dans ma bouche, sous ma langue un lac, couvert de feuilles rousses. Il pleut dans ma bouche. Sur un tapis d'humus, où pèsent mes molaires et mes parents dorment dans leur de lit. Il pleut dans ma bouche. De septembre à décembre, pas une bruine, une pluie de rue, l'amalgame fondu dégouline en un rue. Il pleut dans ma bouche, sur mes dents arrachées. Il pleut dans ma bouche. Il pleut dans ma bouche, et je reste couché. Et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 60 mètres. Année érotique. 69. Année érotique. vie. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. T'amènes-tu ta première phrase? Oui, attendez. Attendez. Entendez-vous, la fermeture est claire? C'est une fermeture qui est très obscure. Ça n'éclaire pas minuit. Ça n'éclaire pas l'émission. Je crois qu'on n'a pas besoin de lumière, hein? On est sa veilleuse depuis 7 ans. 7 ans. 7 ans de veilleuse. Ah, mon Dieu! Et rien de plus. Non, monsieur. J'ai ouvert devant moi, devant toi, devant nous, public. Oh oui! Le petit lapin de Pâques. Non, c'est fini la Pâques. Non, la petite sacoche mystérieuse où se cachent des phrases les plus irrévérencieuse, mais pas vraiment, ça dépend de ce qui va suivre. Mais à la base, une phrase est pure et chaste, comme la jonquille sur la tige. Attendant le surintendant, qu'est-ce qu'attend une jonquille sur sa tige? Elle attend le bon temps de se faire enflammer. Oh, c'est bien dit, ça! Mais si la jonquille sur la tige attend et n'arrive pas à trouver quelque chose, qu'arrivera-t-il? Ah, le temps passera, la tige courbera son temps vers le sol, et seule, pour faire une liaison avec le sol, seule la terre pourra l'embrasser. Et c'est beau, ça! Madame, pouvez-vous répéter? Oui, il a dit, seule la terre pourra l'embrasser. Embrasser qui? Ben, embrasser la guimauve, là. C'est pas la guimauve, c'est la quenouille. Il y a une tige, une quenouille. La quenouille est vieille, elle rapetisse, elle sèche, donc elle tombe. Elle est comme l'automne lorsque les feuilles virevolte, se détache de l'arbre, de la branche, pas de la feuille, parce que la feuille ne peut pas se détacher de la feuille, quoique par terre, oui! On appelle ça la putréfaction. Mais là, si vous voulez que je vous dise la fraction de la de réfraction, c'est très simple. C'est une fraction de 2, une fraction de 3, puis une fraction de val. Hein? Une fraction de val. De val, de cheval, de cheval. Parce que les chevaux... Hey, oh, t'allais dire quoi? Les chevaux. Moi, je suis pas la génération inculte. Je l'ai dit il y a quelques semaines. J'irai jamais les chevals. Si oui, là... Si oui, je sais que c'est mon ami Iroquois. Si oui! Oh, bon, non, mais si oui, dans le sens de si, deux points... Oui! Point d'exclamation. Voyons, t'as le point d'exclamation. Point d'exclamation. Si oui, où se cache-t-il? Dans quel univers voit-il l'écho de peu de génie? Ben, moi, c'est dans la bouteille, hein. Moi, je l'ai vu, Jeannie, puis elle est rentrée, j'ai mis ma main sur le goulot pour ne pas qu'elle sorte. Là, j'ai brassé, ça fait... Elle a dit, arrêtez. Je dis, c'est Jeannie. Là, j'ai parlé à la bouteille, j'ai dit, tu es là, Jeannie? Voyons. Tu es là, Jeannie? Il dit, oh non, je l'ai assommée, elle est morte. Claude Poirier va m'appeler, le vrai nigo, il va m'appeler. Ça va tomber entre deux chaises, madame. Deux chaises. Prenez-moi deux chaises, on va tomber dessus. Ça fait mal, hein, s'il vous plaît. Moi, regarde, j'ose même plus me placer le postérieur entre les deux. Entre les deux quoi? Entre les deux cracks. Ah, mon Dieu. Parce que là, si tu mets une chaise, un espace puis une chaise, puis tu tombes dans le milieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ben, moi, j'ai pas une grosse formation universitaire, voilà, là. J'ai pas une grosse formation collégiale, j'ai pas une grosse formation secondarienne. Secondarienne. J'ai rien eu dans ma vie, moi. Que du trouble, des tourments, du tourment et des tempêtes. Sans parler de ce qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Oh, attendez, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes à la radio. Qu'est-ce qui se passe, donc? Ben, allez-y! Il ne se passe rien. Ben, c'est merveilleux! Vous êtes un homme sage parce qu'on veut atteindre à travers la sagesse le néant intellectuel. Et vous l'avez! C'est bien malgré moi. OK. C'est bien malgré Zeus. Zeus. Là, celui qui dit Zeus. Ah, Zeus! Zeus-tu être mon ami? Ah, ben là, on va prendre... Est-ce que vous vous rappelez au début? Il y a une chanson, là. 69 années érotiques. Hein? Puis là, j'ai ouvert la fermeture éclair. J'ai pigé une phrase. Et cette phrase, c'est celle-ci. Je vous la divulgue présentement. Là. Présentement, c'est là, là. Sur le champ. Pour ne pas dire un anglicisme qui me vient à l'esprit, mais jamais à la bouche. Quand le soleil fait le glamour au compte d'épargne. Oh, j'aime ça, moi. Quand le soleil fait le glamour au compte d'épargne et que ma caissière me dit tout bas. T'as plus une scène, champion, là. À ta place, j'irai travailler, là. Trouve-toi un bon emploi, une bonne femme. Quelque chose qui pourrait te rapporter. Sinon, ben, viens plus ici parce que t'es pas la bienvenue. Comment ça, je suis pas le bienvenu? Ben, parce que votre soleil fait le glamour au compte d'épargne. Et vous êtes couché dans l'herbe. Vous avez une brindille de persil dans la bouche. Vous regardez cette sphère chaude qui amène le cancer. Ah non, pas encore du cancer. Ah, peau par peau. Moi, je mets trois pots de cancer, trois pots de peau. Neuve rafraîchissante et puérile. Ensuite, trois paliers de peau cancérigène, trois paliers de peau jamais utilisés. Moi, là, j'ai pris du chevreuil. OK? J'ai enlevé le poêle. Enlever le poêle. Comment tu fais pour enlever le poêle? Tu souffles dessus. Et monsieur, t'as la laine? Moi, j'ai la laine qui fait enlever tous les poêles. Le poêle sur la langue, je l'ai plus, moi. J'ai tenté, pendant la période des fêtes, d'avoir le poêle sur la langue pour chanter. J'ai la voix de petite langue. Ça me fait... Je bégaye de nature, moi. Ma nature est bégayante. Ma vie est bégayante. Mon existence est bégayante. Puis même, je cherche la dulcinée bébé. Pas si bête que ça, là. Très intelligente, mais bégayante. Qui aime bien me dire... Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aimerai toute la vie. Oh! Qui aime le soleil? Qui aime le soleil jusqu'à lui faire un glamour véritable qui ne paraîtra jamais dans les revues? Pourquoi? Parce que les revues veulent avoir des artistes, des vedettes, des étoiles, pas le soleil. Le soleil n'intéresse pas le public. Mais les étoiles! Parce qu'on est sommeillant, on est endormi, puis on veut avoir des individus qui scintillent à travers la sombre histoire de notre existence. Voyons donc, tu vois, oui, moi j'aimerais ça avoir, être un prêcher. Approchez-moi, puis je vais vous raconter la bonne nouvelle. Ouais, c'est... Je la connais, la bonne nouvelle, moi. C'est ça. Vous le saviez? Ah, bon, ben là, je ne veux pas faire du radotage à mon âge. Là, c'est... Je suis très jeune. Comment vous me donnez, vous? Pardon? Mais. OK. Oups. Ah, ben voyons donc. Regardez-moi ce cheveu-là. Là, il n'y a plus... Il n'y a plus une tige de blanc. Moi, je fonctionne aux tiges. Vous ne connaissez rien dans le cheveu, hein? Il y a la racine, puis il y a la tige. C'est comme le roseau. Bon. Vous n'avez rien suivi, hein? Vous êtes une inalphabète de la connaissance. Ah non, je ne voulais pas vous insulter. Là. Mais étudiez! Non, l'étude n'est pas simplement dans les universités et les collèges. Mais non! Dans les livres, dans tout ce qui peut nous apporter de l'enrichissement... C'est pas Gaétan qui va te l'apprendre. Du coton dedans, du coton et du mouton. Un mouton, c'est de la laine, elle est tondue deux fois l'an. Du coton, c'est du pollen, je l'éternue deux fois l'an. Il y a du bleu dedans, c'est un bleu de méthylène. Tout de suite après la tonte, tremper la laine, puis on la roule en pelote, par amour on la tricote, mais peu importe. Il y avait une fille dans ce pull, je ne suis pas dupe. Il y avait une fille dans ce pull, et dans cette jupe, il y avait une fille dans ce pull. Il y avait une fille dans ce pull. Parfum dedans, celui d'un corps féminin, une empreinte poivre et sel, de la peau à même la maille, empreinte du souvenir de se rouler dans la paille, mais peu importe. Il y avait une fille dans ce pull, je ne suis pas dupe. Il y avait une fille dans ce pull, et dans cette jupe, il y avait une fille dans ce pull. Je ne suis pas dupe, il y avait une fille dans ce pull. Ouh, où l'avez-vous mise? Rendez-la moi. Je tire un brin de laine rousse entre l'index et le pouce, et l'amour se détricote et retourne à sa pelote. Et la pelote recotonne, et le coton remoutonne, mais peu importe. Il y avait une fille dans ce pull, je ne suis pas dupe. Il y avait une fille dans ce pull. Où l'avez-vous mis? Je ne suis pas dupe, il y avait une fille dans ce pull. Et dans cette jupe, il y avait une fille dans ce pull. Je ne suis pas dupe, il y avait une fille dans ce pull. Deuxième disque où on retrouve une chanson, Il pleut dans ma bouche. Ouais. Ok. Ouais. C'est. Où là, il y a aussi un truc un peu particulier, mais je pense que sur le dernier album, Bungalow, j'ai voulu faire plus pop que je ne le suis. Donc après, il a fallu. Mais tu le renies pas ? Est-ce que Non, je le renie pas, mais okay. Je veux plus le faire. Ok. Et tu sais, on fait souvent un truc en opposition avec ouais. Les derniers trucs. C'est ouais. Ça qui fait continuer, quoi. Mais et donc scène... j'ai voulu vraiment régler cette question. Et sur scène, tu reprendras pas l'album Bungalow dû au fait que la musique n'est plus ce que tu veux. Ah non, je continue à jouer les chansons. Tu sais, il y a une différence entre la chanson et la forme qu'on okay. A dans le disque. Ah, oui, hein. Okay. Ça c'est. Dans Bungalow, il y a des chansons. Il y a même une chanson dont je trouve que j'ai vraiment raté la musique. Laquelle ? Elle s'appelle Sympa. Ok, je vais la faire jouer. C'est d'accord. Sympa. Hein? Bah, tu vas voir, Sympa. Moi, j'aime beaucoup cette chanson parce que. Ah, ok, tu l'aimes. Non, mais j'aime okay. L'écriture, j'aime les paroles et j'aime la mélodie parce qu'elle dit dans mon jardin secret, je serai de béton, je serai une ordure, je serai musclé, je serai un salaud, mais en fait, je suis sympa. Et je suis sympathétique. Et c'est de dire que je voudrais être plus musclé, plus, justement, tu vois, on est déjà dans les thématiques dont je parlais. Je voudrais être un peu une brute qui pourrait dire, qui pourrait jouer des muscles et tout ça. Et malheureusement, je suis pas une brute. Je suis plutôt sympa, plutôt arrangeant et tout. Et parfois, j'aimerais bien être, être un mec qui claque des doigts et qui se fait des filles comme ça et qui. John Wayne, voilà. Et malheureusement, je suis sympa et presque sympathétique. Parfois, ça me rend triste. Sympathétique. Donc, la musique est musclée. De cette chanson pour aller dans envelopper le propos voilà, pour, mais bon mais cette musique je l'assume pas du tout et je pourrais plus jamais faire ça même sur scène il faudrait que je fasse que des morceaux comme ouais, ça pour pourrais la dénuder non voilà et ouais. Cette chanson guitare voix tout simplement bah elle est super mais dans le disque j'ai voulu la muscler pour montrer le propos mais ça fait une tache dans mon disque je trouve dans ma discographie même okay. Alors que la chanson est bonne à mon sens mais la forme voilà, pour moi elle est loupée. Comme la pochette. J'aime pas la pochette de ce Mais pourquoi tu l'as laissé sortir comme ça pourquoi Parce que je m'en suis rendu compte après. Okay. C'est que tu sais, t'as des envies. Oui. Et puis après tu dis, oh bah merde, en fait c'était un fantasme, mais c'est pas moi. Okay. Mais on fait tous des erreurs énormes ouais, comme ça. Ouais, ouais. Bon, ouais, c'est énorme, pas grave. Énorme, non, mais, ouais, ouais, mais grossière. Mais pour, que toi, je... pour toi, pour moi, c'est énorme, grossier, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Et puis tant mieux, voilà. Ça fait une discographie variée. Oh oui. Comme un cinéaste qui voudrait faire un film de science-fiction et puis après il va faire un film en se disant oh ben non mais en fait j'ai voulu essayer quelque chose mais c'est pas moi du tout et après il fait un film où il y a juste une caméra posée sur un à pied à la romaine voilà, c'est comme aux antipodes du créateur toi t'as fait cette chanson-là qui te correspond en me cherchant en te cherchant voilà, et je me chercherais et tu t'es trouvé quand même tout. Ben, je me suis trouvé à un moment mais après je me dis oh là là mais en fait c'est pour ça que je veux donner comme c'est image ça. Mais je pense que tu vois c'est une grande une grande fraternité que j'ai avec Pierre Lapointe par exemple okay. Je trouve que Pierre est, et on en parle vachement de ces questions de forme Pierre il cherche tout le temps et ouais. Il trouve plus que moi d'ailleurs mais tu vois il va faire un truc avec un orchestre symphonique avec des il remet tout le temps en question la forme de ses disques et de sa musique parce qu'il cherche c'est sa... un créateur c'est un créateur ben comme toi t'es un créateur ben ouais et on est jamais content de notre slip quoi. Ouais, ouais, ouais. Il faut toujours changer de forme de slip quelquefois c'est caleçon quelquefois ouais, c'est slip ouais. Quelquefois c'est t-shirt quelquefois c'est chemise quoi. Mais en même temps les chanteurs qui te connaissent le savent et c'est pour ça qu'on te demande de revoir les œuvres de certains ben, chanteurs peut-être comme si on te l'a demandé. Mm. Est-ce que il y a des gens comme ça que tu as côtoyé ou comme Vanessa Paradis ou Alain Souchon qui que tu connaissais à l'origine, est-ce que Souchon tu l'écoutais ou au contraire? Ah ouais, j'en étais fan. Ok, complètement fan. Mais par contre, j'ai toujours trouvé Enfin, depuis les années 80, c'est-à-dire que moi j'ai aimé... Poulailler Sang, là. Alors ça, c'est fin 70, oui. Tout ça. Et, mais après, il a... bah, en fait, cuir, Souchon a beaucoup collé à l'air du temps. Oui. C'est sa grande force, oui. Mais aussi, stylistiquement, c'est sa grande faiblesse, je trouve. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que je peux pas écouter... C'est actuel à l'époque, mais après ça, voilà, c'est... Voilà, bah, ça se démode, quoi. Ah, ouais, ouais. C'est, comme, c'est normal, hein. Mais c'est aussi une grande force, c'est ça qui fait que c'est un chanteur populaire. Ouais. Parce que s'il faisait une musique qui n'était pas dans l'air du temps, eh ben, il plairait pas. Donc, il plairait pas au grand public. Mmh. Et Souchon a cette immense force d'être... Alors lui, c'est exactement l'archétype aussi de l'homme sensible... qui est pas musclé, mais c'est un repère pour moi, insécure. C'est un repère de, pour moi, c'est comme ça qui c'est le chanteur qui n'est pas un frimeur, c'est le chanteur qui se montre, qui montre pas un slip moulant en train derrière. Non, ah non, pas, ouais. Il est complètement en adéquation avec tout ça. Et c'est moi, je me sens vachement proche de lui dans le fond. Après, es-tu comme lui sur scène? Autant incertain. Non, mais avant de monter sur scène, es-tu aussi? Non, c'est oui, okay. Bah, pas pareil. Okay. Et qu'est-ce que tu voulais dire concernant... Eh bien, que par contre, bah, on a tous nos fantasmes et tout ça. Souchon, quand il était jeune, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais du rock, même du punk et des trucs. Donc, ça m'a donné des espèces d'envie de rock qui m'ont amené à des endroits où j'étais pas à ma place. Et lui, exactement pareil, mais... 15-20 ans avant, il écoutait des groupes anglais et les Beatles et tout ça, et les Stones, et lui, il a toujours voulu que ça pète sur scène, quoi. Et c'est, je pense, une erreur. Enfin, okay. Parce qu'il est plus fort, enfin, je trouve, en demi-teinte. Ouais, bah, c'est un homme de demi-teinte, quoi. Oui, oui, oui. Et alors, quand il fait des concerts où il veut que ça joue dans les zéniths et que ça pète, bah voilà, moi, c'est pas mon truc, mais il sait que je le sais, okay. Il sait que je le pense, hein, je pourrais lui... on en a déjà parlé. Et moi, j'aime quand il est en demi-teinte, et s'il me propose quelque chose, et ça, des fois il me propose des trucs, c'est toujours sur des projets en demi-teinte. Ok, plus singulière, un peu moins extravagant. Ouais, voilà, un peu moins rentre dedans. C'est voilà. Ça, ouais. On va laisser les mots parler, on va laisser... Voilà, la musique en douceur. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour faire allumer les grands phares sur la neige blanche et damée de la piste déjà tracée. Quand un flocon mal aligné peut te faire tomber du tire-fesse, peut te faire tomber du tire-fesse avant l'arrivée. Il n'est jamais trop tard pour faire taire le paratinquoir des diables à langue fourchue, des fantômes du château cul qui dans ton ombre s'évertue à te faire tomber du tire-fesse, à te faire tomber du tire-fesse avant l'arrivée. Jamais trop tard pour te glisser sous mes caresses, un coup de rein pour que trépasse le goût de rien et disparaisse à jamais la sourde menace de te faire tomber du tire-fesse, de te faire tomber du tire-fesse avant l'arrivée. Lâcher le tire-fesse, tenter de lâcher le tire-fesse avant l'arrivée. Avant l'arrivée. Impossible d'y échapper. Moi je n'étais pas pour. Ma sœur et sa cour en soirée. C'est pas mon truc, ça me rend sourd. Mais comme toujours, sois pas con, tu vas adorer. Me voilà serré comme un veau, au moins 12 dans la 4L. Mes trois cousines sur les genoux, ça pue la laque ou bien le gel. C'est loin, c'est long, je tiendrai pas fait demi-tour. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je ne danse jamais. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je ne danse jamais. Jamais. Mon petit corps, ma grande tête, dans des habits trop grands, à contre-cœur, joigne la fête. Tout est laid, allons-nous-en. Toujours les mêmes. Vous allez voir, il est marrant. Marrant mon cul, c'est qui la brune? Rallumez les lumières. Ça sent la bière, c'est qui la brune? La bière et le champagne tiède. Qu'est-ce qu'elle me veut? Allez-vous-en, j'ai des poux. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je ne danse jamais. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je ne danse jamais. Viens dans la grange. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Tant que don, tant que don, don. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je n'ai jamais couru. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je n'ai jamais fait. Non, non, non, non, non, merci. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je n'ai jamais couru. Non, non, non, non, non, merci. Merci, je n'ai jamais, jamais. Jamais. Mon prochain disque, j'essaye d'être en accord avec ça, quoi, de me dire, faut que j'essaye de rien faire rentrer en force. En concert, c'est quand je suis pas du tout en force que ça passe. En force, je suis pas bon, quoi, c'est pas mon truc. Iggy Pop, c'est son truc. Mais t'as travaillé avec Iggy Pop? Ouais, mais justement, ça m'a vachement aidé aussi de me rendre compte que. À quelle période et quelle chanson? Il a sorti un disque il y a 2-3 ans, qui n'est pas son meilleur disque, mais. Où il y avait quelques belles choses. C'est pas Saint-Germain où il reprend des chansons Alors c'est pas le tout dernier disque, okay. Où là il reprend beaucoup de chansons françaises. C'est un disque il y a 3-4 ans où il y avait des choses un petit peu New Orleans, ouais. Sens proche. Oui, oui, oui. Ah oui, pour lui ça a été un flop monumental, ouais. Mais il voulait s'offrir le côté Frank Sinatra, c'est ça, hein? Voilà. Ah oui, ouais. Oui. Et il y a de belles choses. Oui, c'est merveilleux. Il y a des choses un peu moins chouettes, mais il y a de belles choses. Et moi j'étais au clavier pour la sortie du disque en France et donc on a fait des concerts. Et alors c'était super de jouer certaines choses New Orleans, vraiment, avec des cuivres et tout. Et moi je viens de là, mon père était musicien de jazz et j'ai entendu cette musique toute mon enfance. Donc jouer du New Orleans avec lui, c'était fabuleux. Après, on a joué des vieux morceaux de lui Et donc ça, c'était génial. Et jouer des trucs où ils se mettent torse nu. Bah non, mais des choses quand même de ces vieux disques assez rock, ouais. De ces disques de Lush Life, okay. Lust for Life, pardon. Lust for Life, ouais. Et tout ça. 80. Et donc ça, c'était super. Et je me rends compte de l'énergie et de à quel point c'est dans le son de sa voix, c'est dans ce qu'il est, et que moi j'adore jouer ça, mais il faudrait quand même être débile pour avoir envie d'intégrer ça à mes chansons. Oh oui. Donc j'ai la chance de pouvoir jouer ça avec lui, donc c'est génial, je peux jouer ça avec Iggy Pop. C'est autant un... faire que moi mes chansons soient douces, ouais. Et pas essayer de mettre ça dans mes chansons, je suis pas comme lui. Donc ça me permet de faire la part des choses, de me dire bah voilà, le rock je peux le jouer avec ce mec là Iggy Pop, ouais, c'est cool. Enfin, ça m'est arrivé, en tout cas ça m'arrive, oui. Ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'est arrivé. Donc soyons clairs sur ce qui me va et ce qui me va pas, sur ce qui me va en tant que musicien et ce qui me va en tant que chanteur, en tout cas. Et toi aussi, mais en même temps, c'est un des seuls concerts que tu as fait avec Iggy Pop où il reste habillé. Non, il s'est mis à ah poil. Oui. Ah, ben enfin, pas à poil, non, vraiment. Non, mais même, on faisait un concert à France Inter, okay. Quoi, une radio oui, adulte, oui, quoi, quand même. Et ben, je sais pas. C'est pas c'était le rapport des artistes, okay. Non, c'était pas cette émission-là, le qui Fou est une super émission. Dans Le Fou du Roi, il n'y a qu'une chanson. C'est, ouais. On joue qu'une chanson. Ouais. Et Le Pont des Artistes, c'est une super émission. Ouais, mais là, c'était une émission de. Un concert privé. Le Noir, non ? C'était pas non plus okay, Le Noir, okay, c'est okay, encore. Okay, okay, un c'était privé. Un concert privé okay, entier, okay, okay, okay. Où donc on a joué un concert entier, mais que pour les gens de France Inter. Okay. Enfin, que pour le public oh, de France Inter, oh, okay. Et ça, c'était diffusé à la radio en direct. Okay. Et au bout de 3 chansons, il était torse nu. Au bout de 5 chansons, il y avait du public sur scène. C'était le bordel et surtout tout. Et on c'était... pouvait pas le voir, c'était mais on voit des. Tu peux voir, ouais. Alors pas les moments torse nu, mais les moments New Orleans notamment. Ok. Tu sais, j'ai un blog. Oui. Sur ce blog, okay. Donc c'est albinlasimone.blogspot.fr. Et sur ce blog, j'ai mis des vidéos de choses que j'assume, parce que tu sais, YouTube, c'est tellement... C'est n'importe quoi. Il y a des trucs au téléphone ouais. Pourris. Ouais. Et donc, j'ai mis des choses que j'aime bien, sur lesquelles j'apparais. Okay. Et il y a deux morceaux. C'est peut-être des vidéos collaborations. J'ai dû faire deux rubriques. Okay. Et dans les vidéos collaborations, il y a deux morceaux avec Iggy Pop que je trouve belles. Et où on le voit, c'était pendant ce concert de France Inter, donc tu verras. Ben, nous irons voir. Parce vous qu'on irez peut, voir. Ouais. Ouais. En plus, j'ai un site sur Blogspot, donc nous sommes amis sans savoir. Et le nouvel album, tu m'as dit 2 ans de préparation. Est-ce que lorsque tu arrives devant tes machines, tu peux modifier des textes ou quand c'est soudé, c'est soudé? Ah ben ça, c'est techniquement... une fois que j'aurai fini cette entrevue... tu pourras plus changer mes mots, à part si tu les mets dans le désordre et ouais. Si tu veux me faire mentir. Mais après, je peux réenregistrer des trucs jusqu'au dernier moment. Mais en ce moment, j'en suis plus à changer les mots. Les mots, je suis rentré en studio que quand j'avais fini le côté écriture. Okay. Et l'écriture a été laborieuse. Mais tu peux pas arriver en studio sans rien comme Étienne Daou non, peut faire. Non, impossible. Prends l'avion et tout ça. Impossible. Ok, toi, il faut vraiment que ce soit cogité. Ah ouais, j'ai galéré tout l'automne. À écrire, changer les paroles, réécrire de nouvelles chansons. Et t'étais nouveau papa en même temps. Ouais, mais c'est ça, mais tout était bouleversé dans ma vie. Je doutais de tout. J'écrivais une chanson, j'étais donc au 104, là, oui. Dans ce lieu culturel, enfin, oui. Ce lieu où j'ai mon studio, et je rentrais chez moi, et je réécoutais ce que j'avais écrit toute la journée, et je me disais, mais c'est affreux, c'est nul. Et le lendemain matin, je recommençais et tout. J'ai galéré tout l'automne comme ça. Et puis, à un moment, en décembre, ou en octobre, novembre, ça a été ok, ça y est, j'ai à peu près tout. On à part plus. Certains mots. On n'y touche plus. On n'y touche quasiment plus. Et puis je suis rentré en studio en mars et on a enregistré les basic tracks, tu vois, les basses, guitare, batterie, ouais. Harpe un peu aussi dans un très beau studio. Puis après, je suis retourné au 104 avec les bandes. Et puis, dans un autre studio, on a enregistré les voix, on a enregistré des cordes, il y a 12 cordes. Violon, mm-hmm. Tu vois, dans un beau studio aussi. Et puis après, je me suis retrouvé tout seul avec tout ça, à réorganiser un petit peu, à faire de l'editing. Et puis, commencer le mixage. Et là, je fais des retouches de mixage. Mais là, le montage, tu te le fais tout seul, là, le mixage? Ouais, le mixage, non, c'est l'ingénieur qui l'a fait. Et puis moi, je non, mais là, actuellement, tu là, je suis tout seul. Okay. C'est-à-dire qu'il a fait un mix et j'ai envie de un petit chocolat, en fait. J'ai envie de J'ai mon mot à dire aussi sur le mix. Ben oui. Donc j'ai récupéré le mix et puis je fais des petites modifications que je vais lui proposer. Okay. Et lui, en étant beaucoup plus fort que moi, va pouvoir me dire « Ah ouais, mais non, mais là... » Ça, tu peux pas. Ça, ou là, t'as une voix de canard, okay. Il faut refaire. Ouais. Mais en tout cas, j'avais envie aussi de dire « Ah ouais, mais là, la transition... remettre un côté musicien là-dedans. » Et donc, on fait des allers-retours. Ça, c'est le côté scindé, là, la fin, là, c'est vraiment tout à fait scindé. C'est un peu parce dur. Parce que c'est des virgules, des points virgules. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que mes amis et tout ça, la plupart vont me dire « Mais non, mais c'est chouette. » C'est bien et tout. Mais moi, j'écoute au cas, je me dis « Ah ouais, mais il manque une petite transition, il manque un truc. » Donc, je fais ces dernières choses-là et après, je pars en vacances. À quel endroit? À Montréal, tu connais? À Montréal? Mais voyons. Je pars tout le mois d'août à Montréal. OK. Pour t'amuser, pour faire de la musique, pour... Je pars en vacances et je pars préparer un gros projet. Ah, tu feras de la casserole, hein? C'est le nouvel instrument. Ouais, je vais faire de la casserole. Parfait. En plus, tu arbores le rouge. Donc, ouais, j'ai pas besoin de mettre un petit carré. Non, mais parce qu'il faudrait que tu changes de couleur pour le carré. Ouais. Ouais. Non, je pars à Montréal en vacances avec femme et enfant. Okay. Et retrouver tous mes copains là-bas parce que vraiment, on est toute une bande quand même. Ouais. Mais c'est aussi l'occasion d'aller préparer quelque chose parce que le 13 octobre, j'ai un. Comment dire, une rétrospective, une soirée spéciale, une carte blanche dans le festival du Nouveau Cinéma, qui est un festival de cinéma à Montréal, qui est un très beau festival. Et j'ai une soirée, alors je pourrais pas encore affirmer où ça va se passer, mais... C'est un film muet où tu vas jouer... Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Okay. Et c'est quand, beaucoup plus singulier que ça. C'est le 13 octobre. Ok, 13 octobre, ok, je prends un note. Peut-être la date va encore bouger, mais normalement... Okay. Alors je peux dire que c'est sous réserve, parce que en tout cas, on va faire cette soirée. Oui. Mais j'ai un projet qui réunit plein de gens. Potentiellement, beaucoup d'amis québécois, du cinéma, okay. Et un petit peu de la musique aussi. Okay. C'est, comment dire, c'est un projet... Il n'y a pas de chansons, c'est pas mes chansons. C'est un projet multidisciplinaire qui sera une expo, un spectacle... Une sorte de lecture, conférence théâtrale. Les ongles courts, la barbe rase, la laine fleurie, le sourire net. Un homme de 52 ans combat pour abriter trois roses. De la pluie battante. Depuis une heure, l'homme patiente sous les lumières de Saint-Mandé pose les yeux en alternance sur une horloge, un escalier, son téléphone et la forêt. Depuis une heure, bientôt de l'homme patient rejette une pensée, l'objet même de sa patience. Cette femme ne viendra jamais. Cette femme ne changera jamais. Cette femme continuera pour financer son corps en manque, pour irradier son sang fané à s'agenouiller dans les bois. L'amour ne la guérira pas. partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort. Kate Kuna, pour moi, le meilleur artiste actuellement au Québec. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? On va détourner encore, c'est pas des avions ici qu'on détourne. Madame Thibodeau, n'ayez pas peur. Oui, mais moi, je sais jamais à quoi m'attendre avec vous, Monsieur Grenier. Non, c'est gagné. C'est gagné. On n'a rien gagné, oui. T'as-tu participé à quelque chose, ma belle Rita? Non. En fait, oui, à la tombola de M. Beauchamp. Et puis, ben, j'attends l'appel. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend l'appel. Oh, mon Dieu, ça peut être long, hein? Bon, ben, ils m'ont dit avant samedi. Samedi? Ben, samedi, c'est aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Samedi, c'est là de s'ordonner où le téléphone sonnera juste pour vous. Ça sonne pas fort. Détournons encore une fois la réalité, survolons la déraison et l'incohérence comme seul Rénal de le sait faire. Alors détachons-nous de tout principe de cohérence avec cette inspiration novatrice. Alors là, on va chercher dans la petite pochette de cuir. Mais moi, je suis comme ça, moi. Hein? Ça ressemble à du cuir. Hein? Ça sent le cuir. Ça goûte le cuir, mais c'est pas du cuir. Ben, ça, c'est George Orwell. 1984. Et soit-il. Maintenant et toujours. Amène le mot. Emmène-moi au bout de la terre. Ramenez-moi au pays des merveilles. Car il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Tout le monde ensemble! Mais pour faire tout le monde ensemble, ce serait bien de commencer comme ça. Oui, attention, on va le faire. OK. On y va. Emmène-moi autour de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Là, vous pouvez dire tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble! Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. C'est merveilleux. C'est en direct le dédoublement de la personnalité. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Fais-le pas, là. Prends, oui, c'est vrai, il fallait que j'ai pas encore choisi le mot, moi, là. Je suis déjà parti sans prendre le mot. C'est pas très, très bon, là, selon mon horoscope, là. Vénus est sous scorpion. Ah, c'est pour ça que ça te pique. Ouais, ça me pique pas, ça me gratte. Ça me gratte, puis je me dis qu'il n'y a pas neigé, donc j'attends pas la gratte. Oh, OK, ça, non, c'est... La recette du gaffeur. Oh, la recette du gaffeur. Qu'est-ce qu'on avait ici? Oh, OK, mais on l'avait plusieurs. Alors, donc, la recette du gaffeur, c'est très simple. Soyez gaffeur, déjà, là, en partant. Est-ce qu'on doit demander à Gaston? Ah non, Gaston, là... Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui répond. Gaffe pas, ouais, réponds. Gaston, il y a... Ben, j'aimerais bien ça répondre, mais devant moi, je n'ai qu'un celluloïde et tout le reste me bat sous le pied. Oh, alors qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a des vermisseaux. Puis c'est rare au mois d'avril, là, les vermisseaux. C'est encore très gelé, la terre. Mais on peut pas dire le contraire. Là. On n'appellera pas un météorologue pour nous le dire. J'aimerais tellement ça. Bon, tu veux qu'on appelle? Tu veux qu'on appelle à 1h56 un météorologue? On va le faire. T'as le numéro, Georgette? Signal. Attendez. Est-ce qu'on doit faire fait le 418? Ça comme ça. À une certaine époque, il y avait ces chiffres. Aujourd'hui, il y en a 18. Fait qu'il faut se prendre le lendemain. Non, la veille pour appeler la journée même. Oui, mais le lendemain, ça répond pas. Alors, signal. Allô? Oh! On vous réveille pas? On vous réveille pas. C'est pas... Non, ça, c'est réveillé. Oui. On vous réveille pas? On vous payera pas non plus, hein? Il pense être payé, les signifiants. Monsieur météorologue? Bon. Hey, vous avez une formation universitaire, vous, hein? Vous avez travaillé longtemps. Allô? OK. Parce que vous étiez endormi sur votre acoustique. Mais, universitaire, là, quand vous trompez, là, comment vous sentez, là? Est-ce que c'est comme si vous aviez échoué votre cours? Ça demande-tu un baccalauréat? On va demander... Laura, ça demande-tu un baccalauréat? Mais ça demande de l'intelligence! Ouais, c'est comme l'astrologue. Ouais, mais un peu d'astrologie. Dans la météorologie, excusez-moi, y a-t-il un peu d'astrologie? OK, alors on peut amener peut-être une phrase qui épouserait une certaine réalité qui n'est pas véritablement ce que l'on vit. Oh! Comme là, ce soir, là, cette nuit, si je dis qu'il fait noir, je me trompe pas, moi, là. Puis, on risque d'avoir une petite fraîcheur à un moment donné sur une rue, là, hein? Bon, comme Rita, qui fait la rue depuis 3 semaines, là, puis elle a juste trouvé 2,28$, puis c'est pour amener des fonds. Vous le saviez? Oh! Elle est gentille, hein? Ah, monsieur, tourtereau, hein? Là, tombez pas amoureux parce que ça coûte plus cher, vous, là. Bon, restez comme ça, là, très calme. On va vous laisser dormir? Bon, avez-vous pris des sédatifs? Bon, continuez. Ben, il est parti, lui, là, comme un petit poulet. Ben, c'est comme ça. Alors, c'était quoi le mot? La recette du gaffeur. On était bien parti. Hey, on a gaffé toute notre vie, nous autres. C'est 42 années de gaffe. On ramasse tout le temps, hein? Quand on gaffe, on ramasse. Tu gaffes, tu ramasses. À un moment donné, tu gaffes plus. Tu dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est rendu ma bonne étoile? Scorpion est sous Jupiter? C'est comme on avait parlé tout à l'heure, là, de que c'est pas un océan, une affaire, là. Un volcan, c'est comme... Oh, ça rimait en « un » dans ma tête. Toi, dans ta tête, ça rime tout le temps? Non, mais c'est mieux quand ça rime à la radio. En dehors, c'est pas important, moi, là. Ah, j'ai pris l'autobus avant de venir ici. En fait, c'est une sorte de corbillard. On voyait absolument rien dehors. Là. J'ai dit, lavez-vous vos vides, monsieur. Ah, c'est pas le temps de l'autobus. Regarde, as-tu vu le chiffre de l'autobus? Ouais, c'est 2012-07. Ben oui, alors donc, elle va être lavée juste en 3012. Êtes-vous malade? Autant d'années? Oui. Ah oh, oui, là, ça fonctionne au son. Hein. Si vous entendez quelque chose qui vous rappelle qu'il est temps de sonner, vous sonnez. OK. Sinon, vous allez être sonné. Bon, c'est quoi? Vous êtes violent? Ben, je suis très violent, moi, là. J'ai pas l'air, mais je suis très violent. Qu'est-ce que vous faites? Je fais du vibrato aigu. C'est entre les deux babines. Ça, c'est à force de rien voir. D'autres, on fonctionne aussi au son. Hein. Quand il y a des voitures qui semblent arrêter, on arrête. On voit plus clair, d'autres. Ah, ouais, ça fonctionne comme ça. Puis, ben, ça fait 40 ans que je fonctionne de même. Là, je n'ai même pas le droit à ma retraite, ma pré-retraite. Hein, on m'a tout enlevé. Eh, monsieur, on vous a enlevé? Ah, oui. On ne m'a jamais déclaré. Mais. Non, on ne m'a jamais dit. Vous êtes recherché? J'ai toujours été perdu. J'ai toujours gaffé, puis je trouverai jamais rien. Ben, c'est bon, ça! Oh, oui, parce que le jour où je vais trouver quelque chose, là, je me sentirai pas naturellement incapable, puis je vais demander de vivre une autre vie, moi, là. Ben, là, vous aviez pas le droit de vivre une autre vie. Ben, on a dit qu'à un moment donné, on pourrait reprogrammer l'ordinateur neurosim, comme disait Léo Ferré, qui nous sert de cerveau. Remonter tout ça! Reprogrammer! J'espère qu'on va avoir des chouets, là! Et moi, c'est garde, pendant toute ma vie, j'ai eu les cheveux noirs. J'aimerais ça avoir les cheveux blonds, voilà. Ah, c'est tabac. Puis avoir la gencive plus élevée, histoire de manger plus de viande, là. J'aime ça, la viande, moi. Je veux pas devenir végétarien, moi. Le tofu, là. Ah, c'est. Mon ancienne blonde, elle faisait des bains de tofu. Ah, elle a l'air jeune. Elle a l'air jeune. Elle a 23 ans. Elle est jeune, mais je pense qu'à 90 ans, même si elle prend des bains de tofu, à 90 ans, elle va avoir l'air de 90. Mais c'est sûr que là, ça, elle peut vendre ça de même. Là. Prenez des bains, restez jeune. Ben oui, 23, c'est certainement jeune, mais plus tard, là, elle ne pourra pas dire « J'ai 90, je suis encore jeune. » Dans l'esprit, c'est bien, mais là, le corps va parler à un moment donné, puis il faut qu'il parle. On aime ça quand ça parle. Ça dit quelque chose, ce visage-là. Jean-Pierre Ferland, le feu, comment il s'appelle, donc, Claude Blanchard, tout était dit dans ce visage-là. Tu le regardais à la fin de sa vie, là. Ah, ouais. Ah, ouais, ça, c'est une crevasse, là. T'as fait 872, toi, là. Ah, oh, oui, c'est quand t'as regardé dans le fond de la bouteille, t'as dit, il y a quelque chose. Tu te prenais pour un, comment tu les appelles, donc, ouais, sur l'eau, là, il y a quoi, des pirates, tu prenais pour un pirate, puis là, avez-vous perdu votre boule, monsieur? Là, j'ai perdu le bouchon, puis là, quand j'ai tiré après la bouteille, ben, mon œil est resté, ça a servi de bouchon. Jusqu'à la fin de mes jours, j'ai vu juste un œil, puis je vais pas raconter l'histoire, sinon le monde se serait moqué de moi. Ben là, à force de vous moquer, non, moi, je me moque de personne. Moi, je relate des faits. Comme Barabbas dans La Passion et Barara. Comment Barara? C'est pas Barara, c'est Barbara. OK. Je dois dire ce que je veux, moi, là. Ouais, calmez-vous. Prenez votre médicament. J'en ai plus! Mon médecin m'a dit, rénal, on va te donner des... C'est quoi le... Fais des gros dodos. Non, c'est placebo. Puis toi, c'est beau. Tu t'imagines n'importe quoi, ça va arriver. Ah ouais, placebo. What would you have me do? What would you have me do? Seek out some wealthy patron and crawl like a clinging vine up the lordly tree, rising by deceit and trickery instead of my own strength? No, thank you. Imitate what others do and dedicate my works to the rich in the hope of arousing a smile of recognition from some sterile face? No, thank you. Breakfast every day on insults. Wear out my knees and warp my spine with endless bowing and groveling in the dust? No, thank you. Become a master of hypocrisy and opportunism, never letting my right hand know what my left is doing? Burn incense for some glorified idol of the day? Pull all the proper strings? No, thank you. Shall I become the captain of some literary cult by writing stupid love songs for wealthy widows and navigate to success with their sighs filling out my sails? Pay some publisher to print my poems and bribe some critic to review them? No, thank you! Shall I become the high priest of a petty group of hack writers who dine together once a week? No, I thank you! Shall I build my reputation on one flawless poem and never write another? Should I scheme to get my name mentioned in the columns of some newspaper and smack my lips over the little phrases written about me? No, thank you. Shall I calculate and scheme, live in fear, make visits instead of rhymes, meet all the right people, seek introductions and favors? No, thank you. No, I thank you. And again, I thank you. Oh, my friend, I prefer to sing, to laugh, to dream, to travel light in my own way, to see things as they are and speak out without fear, to cock my hat at any angle that I choose, to duel if necessary for a quick yes or no. I prefer to work alone without any thought of reward, to scorn fame for a journey to the moon, to never write a line that does not ring with sincerity. I shall be content with the fruits and flowers that grow in my garden, no matter how small, because they belong to me. Then, if success should come my way, no tribute ever need be paid to Caesar. Whatever fortune or misfortune that happens shall be mine and only mine. And though I may never reach the stature of a great oak tree, I shall never become a parasitic vine. I will climb, perhaps, to no great height, but I will climb alone. Tambourine man. Hey, Mr. Tambourine man. Sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip on your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. Ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Hey, Mr. Tambourine Man. perdu au milieu de la foule, seul et hagard, mais pourtant à la croisée des regards, l'envie de me rouler en boule, fuir à la gare, l'important, l'envie d'éviter l'enterrement, les officiers condescendants. Mon pauvre, comment allez-vous? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire foutre? Lassé d'imaginer mon frère en habit militaire, mort avant l'heure, mort en plein air, disparu derrière ses paupières, dans la nature et la matière, maquillé, déguisé, couché à jamais sous le drapeau français. Mon pauvre, comment allez-vous? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire, mon pauvre? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Allez-vous faire foutre? Pour l'instant, il y a Sophie Cadieux, oui. Marc Labrèche, peut-être Monique Giroux, André Lachapelle, qui vient de me dire que peut-être oui. Okay. Alors c'est peut-être tout ça, mais c'est un projet où tous ces gens-là vont un peu participer, mais pas forcément faire beaucoup. Mm-hmm. Mais c'est une sorte de somme de plein de choses. Collaboration. Des voilà. Amis qui vont se joindre à ta vision. Voilà, à ta... pour faire des petites participations. Et notre but, oui. C'est de faire imaginer des films, de raconter des films qui n'existent pas. Okay. Mais on va les raconter, on va jouer sans la musique en live. Sans projection, c'est dans la tête. C'est des projections dans la tête. Ah, ouais. On va jouer la musique en live avec des musiciens. On va raconter des dialogues. Il va y avoir des dialogues qui vont être joués, des archives, des costumes, montrer des costumes. Des archives sonores de voix. De voix, des critiques. Il va y avoir une émission dirigée par Monique Giroux. Une émission de Radio-Canada, ce sera peut-être pas pour Radio-Canada, puisque ce sera une fausse émission de radio que Monique va faire en live avec des critiques qui vont critiquer les films et qui vont faire un débat sur les films. Tu vois, c'est tout un projet comme ça, complètement fantomatique. Créatif. Ça s'appelle, c'est 100% créatif. Et c'est aussi pour proposer au public d'être créatif aussi eux-mêmes dans leur tête. Enfin, on n'a pas besoin forcément de voir le film, on peut aussi l'imaginer, ça peut être encore mieux. On a tous déjà adoré un film et été déçus de le voir en vrai. Tu sais, je te raconte un film, tu vas trouver ça super, et finalement tu vois le film et tu préférais la musique que tu avais entendue et l'histoire que je t'ai racontée. Ça suffit. Ou la critique que tu as lue t'avait suffi, puis tu vois le film, non, tu préférais ce que tu avais imaginé. Donc là, rassurez-vous, le film n'existera jamais. C'est ça l'idée. Sauf dans notre caboche. Voilà. Mais moi, je me rappelle, avant les vidéos, j'enregistrais des films et, avec l'audio, uniquement l'audio, et je l'écoutais par la suite. Ah, mais ouais. Et c'était merveilleux. C'est super. C'est merveilleux. Moi, ça vient aussi de quand, quelquefois à la radio, on entend des extraits de films. Oui, ah, c'est j'adore. Bon. C'est bon, oui, c'est vrai. Tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire, t'entends le son. Oui. Ah, oui, parce que là, tu peux te créer. Avec le côté ambiphonique, hein, c'est. Ouais, voilà. Ouais. C'est beaucoup plus. On peut aller vachement loin. Oui. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut proposer au public. Donc, moi, ça m'amuse. Hein, c'est vraiment. Alors, j'ai déjà écrit et enregistré les musiques, mais là, on va les jouer en live. Ah, tu t'es déjà préparé? Ouais, c'est un spectacle que j'ai déjà monté en France, mais là, je le remonte complètement en version québécoise. À Paris, avec Jean Gabin, avec Arletty. Avec des vivants. Non, non, parce que tu me disais qu'il y avait des extraits sonores. Je pensais que c'était des Oui, mais c'est des choses qui sont que des choses. Et qui avait fait ça? Que pour mes films. Non, mais c'est. C'est deux comédiens qui sont deux amis à moi, qui sont Marie Payen et Gilles Kneuzet, avec qui on se promène et on fait le spectacle. On l'a fait dans des théâtres. C'est bien. Ça fait penser un peu lorsqu'on fait du doublage, c'est le doublage, la voix. Mais il va y avoir aussi. Mais en fait, les scénarios des films, c'est moi qui les ai inventés. Hein. C'est des films qui n'existent pas. Donc il ne peut pas y avoir Gabin. C'est libéré de toute réalité. Okay. Il n'y a aucune réalité qui pourrait gâcher le. On ne pourra pas s'y rattacher. Donc ah non? C'est l'imaginaire. C'est que imaginaire. Hey, j'ai 10 questions. Hein? Et tu peux te laisser toujours dans ton pays de l'imaginaire si tu étais un liquide. Pas mal comme question. Oh la vache! Alors, je me suis toujours posé une question, c'est les questionnaires de Proust, ça, si tu étais. Ouais, c'est toi. Alors, du coup, je te retourne une question avant de te répondre. Est-ce que tu veux que je te demande, que je te réponde ce que je pense que je suis comme liquide ou ce que j'aimerais être? La question ne le dit pas, donc si tu étais un liquide. Mais est-ce que... Comme tu veux. D'accord. Alors, à toutes tes questions, je vais te dire le liquide que je crois que je suis. Ok. Ou les réponses que je crois que je suis et pas les réponses que j'aimerais être. Okay, parce que j'aimerais être le mercure, par exemple. Ok. Ou tu vois, un liquide complètement incroyable. C'est le liquide le plus fou. Ok, ouais. J'aimerais être le liquide le plus hallucinant, mais je pense pas que je sois le mercure. Okay. Je suis plus soluble. Okay. Si j'étais un liquide, je serais un vin d'Arbois. Okay. Le vin d'Arbois, ou le vin jaune, c'est un vin qui est un vin, qui est un vin qui il y a des très bons vins d'Arbois et des très mauvais vins d'Arbois, mais c'est un vin très spécial, très bizarre. Non, il est jaune. C'est un vin qu'on trouve dans le Jura, qui est un vin qui a un goût un peu bizarre, donc on peut le trouver pas très bon au début, mais on peut aussi l'adorer parce qu'il ressemble à rien. C'est un arbuvin qu'on... C'est un goût particulier. Je sais que je suis particulier, que j'arrive pas à faire quelque chose de basique. Okay. Tu vois ce que je viens de te raconter, c'est quand même un peu spécial et tout ça. Ouais. Donc je pense que je suis un vin d'Arbois. Et si tu étais une ville? Pas mal que je trouve une ville au Québec, une ville. J'aime tellement Tokyo et je trouve que Tokyo est une ville tellement riche et tellement complexe que je dirais que je serais Tokyo. Si j'étais plus grand, je serais Tokyo. Ok. Sinon, Saint-Hyacinthe. Okay. Non, je déconne, je suis pas Saint-Hyacinthe. Okay. Tokyo. Ok, Tokyo. Si tu étais une langue. Le cobayen. Ok. Tu connais ? Non. C'est une langue qui a été inventée par un groupe psyché taré des années 70 français qui s'appelle Magma. Ils avaient tous inventé le langage cobayen. Oui. C'est un peu débile, mais c'est une langue qui n'existe pas. Mais quel groupe ? Surtout, c'est une musique géniale, mais c'est un groupe. Rodolphe, c'est à la limite de la secte. Quoi. Rodolphe ? Non, c'est. Berger ? Non, oui, c'est Rodolphe. Pas Rodolphe Berger. Non, lui, c'était. Rodolphe Berger, c'était. Je ne connais que. Mais ça, c'est bien avant. Ok. Si tu étais une époque. Aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une époque complexe aussi. C'est une époque où il n'y a plus. On ne peut pas être simple. Enfin, rien n'est d'un bloc. Tout est obligé d'exploser. Alors, et je me sens comme ça. Alors ça demande plus de réflexion. C'est plus complexe, c'est plus. Tu vois, par exemple, dans la technologie, à quel point on en arrive à de la complexité, à du raffinement aussi, mais de la complexité. Tout est plus compliqué. Avant, la richesse était plus simple, la pauvreté était plus simple, la misère était plus simple, le bonheur était plus simple et le malheur surtout. Et ben maintenant, c'est plus complexe. Alors il y a plus de bonheur, mais il y a aussi plus de malheur. Et tout est plus imbriqué. Tout il y a plusieurs échelons aussi, il y a plusieurs niveaux. Par contre, les pôles s'éloignent et il y a aussi les extrêmes sont plus. Non, je trouve que tout est plus complexe, même si les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Enfin, tout est plus compliqué. Et tu aimes? Non, mais je suis comme ça. Ok, tu te sens bien. Je te réponds pas ce que je voudrais. Non, je te réponds ce que je crois qu'il est. Okay. Donc si tu me demandes la ville que je suis, je te dis la ville que je crois être. Okay. Pas la ville que je voudrais okay. être. Okay. Et donc là, l'époque, bah, je crois que je ressemble à ça. Je crois que je suis compliqué. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sous le sable, les pas des amants désunis, c'est une chanson. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. La vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable. Hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris,